Troisième temps de notre série Apparaître aux yeux du monde, où nous réfléchissons en ces temps de Fashion Week sur l'histoire du vêtement et l'histoire de la mode. Après avoir évoqué lundi avec Odile Blanc la question du nu et de l'habillé, puis hier réfléchi à l'histoire sur un siècle des vêtements de ski et de sport d'hiver, et avant demain de nous plonger dans la fourrure avec le documentaire d'Anaïs Quin et de Marie-Laure Ciboulet, nous allons ce matin, avec Anaïs Quin qui co-animera cette émission avec moi, nous intéresser à la saisonnalité dans ce milieu de la mode, et nous le ferons en compagnie de Manuel Charpie. Il est historien chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Invisu, à l'Institut National d'Histoire de l'art, à l'INHA. Il est rédacteur en chef de la revue Mode Pratique, qui consacre son dernier numéro aux saisons, justement. Il est en résidence d'écriture sur le quartier du Sentier, à la librairie parisienne La Petite Égypte. Sophie Kurkdjian est également avec nous. Elle est chercheuse associée à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, où elle co-anime le séminaire de recherche Histoire et Mode. Et Audrey Millet est également avec nous. Elle est historienne à l'Université Paris Diderot, spécialiste de l'histoire de la mode et du costume, mais également... Vous êtes spécialiste de la fabrique et ça nous fait plaisir de recevoir une spécialiste de la fabrique à la fabrique. J'ai toujours peur de parler ce que je suis en train de faire parce que j'ai entendu tellement d'interviews de stylistes, de couturiers où ils parlent d'une révolution, du changement de ceci, du changement de cela, du retour de la féminité, comme si elle n'était jamais partie. Et après, on voit la même robe. Il y a même certains qui sont particulièrement spécialisés dans ce genre de discours, et après on voit toujours la même robe. Bon. Parce qu'ils ont peur que s'ils n'avaient pas la même robe, on ne va pas les reconnaître, on ne va pas croire c'est eux. Et c'est ça que je trouve passionnant à la mode, c'est de changer avec l'époque. Moi, je ne fais pas la même robe que je faisais il y a 10 ans, et après tout, je n'ai pas plus la même gueule que j'avais il y a 10 ans. Et les gens qui ont toujours le même style, sous prétexte que c'est leur style, je trouve ça la chose la plus desséchante et la plus ennuyeuse de la Terre, sous prétexte de personnalité. Si la personnalité est soumise à si peu d'évolution et qu'elle va se cramponner dans une chose répétitive comme ça, c'est pas très rigolo. Ouais, voilà, c'était la voix de Karl Lagerfeld dans une émission Le Monde de la Mode, c'était en 1980, l'entretien qu'il avait donné à Alain Pacadis pour France Culture dans Les Nuits Magnétiques. Nous allons commencer cette émission autour de ce personnage. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour Manuel Charpie. Bonjour. Bonjour André Millet. Bonjour. Bonjour Sophie Kurkdjian. Bonjour. J'imagine qu'un personnage comme celui-ci, avec son caractère fantasme et surtout sa très longue longévité, puisqu'il a commencé à être assistant de Pierre Balmain en 1955, il vient tout juste de mourir. Il est donc resté des dizaines d'années à la tête de la mode en France, mais également dans le monde entier. C'est un personnage qui peut intéresser un séminaire comme le vôtre, Sophie Kurkdjian. Oui, tout à fait. C'est un personnage, comme vous le dites très justement, c'est d'abord un personnage, c'est un couturier qui a créé, mais c'est aussi un personnage, une figure médiatique, une figure sociale qui a compté. Et c'est ce qu'on entendait, les saisons... les collections se succèdent et lui est resté très longtemps et a réussi à s'imposer comme un créateur et une figure médiatique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il disait de lui, je suis un label vivant, mon nom est Labelfeld et non pas Lagerfeld, donc avec ces types de provocations qui étaient la sienne. Mais c'est vrai qu'il y a dans la durée quelque chose d'un peu particulier, pourrait-on dire, par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui de l'histoire de la mode, Audrey Millet, c'est-à-dire... D'une certaine façon, un personnage qui reste aussi longtemps à la tête de nombreuses maisons de couture, comme ça a été son cas, puisqu'il est passé par Fendi, il est passé par Patou à une époque. Il a ensuite été chez Chloé et puis donc chez Chanel pendant 35 ans. Tout cela, ça participe effectivement d'une longévité qui ne correspondait peut-être plus d'ailleurs à la rythmique de la mode d'aujourd'hui, en l'occurrence, Audrey Millet. Oui, alors la longévité de Lagerfeld, je pense qu'on peut l'évoquer à la fois parce qu'il est un personnage, ce que disait Sophie, mais parce qu'il a cette capacité très rapidement de travailler en freelance dès son départ de Patou. Et il n'a jamais finalement dérapé. C'est-à-dire que c'est un génie dans le sens où il capte l'air du temps. Il n'est pas du tout dans le futur, il est dans le présent, il n'est certainement pas dans le passé. Il a aussi une discipline de fer, c'est le moins qu'on puisse dire, une hygiène de vie. une capacité à être léger, à garder une vraie légèreté par rapport à un système économique qu'il affectionne pas spécialement, mais qui lui permet d'exister sur diverses entreprises, et une force de travail qui est assez hors du commun. Et puis aussi un discours sur la mode qui veut toujours plaider pour la légèreté contre l'intellectualisme. Il dit parfois on n'est pas Kierkegaard quand même quand on fait de la mode. Il s'amuse à cette idée qu'il faut être léger, être partout, participer à tout, faire tout d'une certaine façon. Tout ça, ça participe aussi du personnage qui s'est créé, Emmanuel Charpie. Oui, puis je pense qu'il y a une revendication du fait d'être un faiseur. Et ce qu'on entendait dans le discours, là, je trouve, c'était assez évident, c'est qu'il a, oui, enfin, il a compris, on va dire, qu'en étant un personnage comme il l'était, il pouvait tenir en permanence un double discours, parce qu'il a un discours très critique en même temps. Ce qui fait que c'est assez jouissif de l'écouter, hein, un discours très critique sur la mode et en étant en même temps une machine de mode. Sur la longévité, en même temps, c'est en partie lui, plein d'autres, c'est jamais une seule figure, hein, faut pas non plus, mais qui a accéléré grandement le rythme de la mode. Juste un tout petit témoignage, pas sur Lagerfeld, mais sur, j'ai rencontré il y a peu de temps un de ses chauffeurs-livreurs, qui a travaillé 15 ans pour lui, et qui a vu justement le basculement du passage de deux collections à 8. Par an. C'est quand même par an, ce qui est quand même une vraie accélération. Il expliquait qu'il y avait une sorte de frénésie qu'il avait vu apparaître, et pour se reposer, il avait quitté Lagerfeld pour devenir taxi de nuit, qui était visiblement beaucoup plus reposant. On va en parler justement de cette accélération du cours des temps, mais restons tout de même sur ce personnage qui s'est construit en disant qu'il n'était pas un intellectuel, mais qui traduisait la princesse palatine dans la langue du 17e allemand, qui par ailleurs faisait référence tout le temps à ses propres lectures, à son caractère en bourgeois. Il disait je me sens davantage hanséatique qu'allemand pour un non-intellectuel. C'était assez amusant et ça fait partie aussi de la capacité d'un créateur comme lui, de ne pas se montrer comme il est véritablement, mais de donner une image beaucoup plus simple et beaucoup plus légère qui correspond à ce qu'il veut faire croire sur son activité, en l'occurrence Sophie Kurkdjian. Oui, je pense que c'était important de se construire une image. Lui, comme d'autres, ont réussi à se façonner un visage, façonner des idées et une certaine personnalité qui peut totalement plaire ou totalement dégoûter aussi. C'est aussi une ambivalence entre ce qu'il proposait de créatif et en même temps aussi sa grande distance et souvent son regard critique sur l'industrie et sur ce que portaient les gens au quotidien. Et c'est un témoin de la bascule aussi, Audrey Millet et Manuel Charpie, la bascule entre les années 1950, quand il commence, la très haute couture, les maisons dans lesquelles il est, Jean Patou qui lui dit il ne faut jamais faire une robe laine car quelqu'un pourrait l'acheter, par exemple, et puis de l'autre côté, effectivement, celui qui va être le pionnier de la descente dans la rue, en travaillant pour H&M en 2004, donc pour la très grande distribution pas chère. Et donc, on voit bien le grand écart qui est fait et l'accélération dont parlait tout à l'heure Manuel Charpie, Audrey Millet. On saisit bien en fait la double face de Lagerfeld qui de fait était un personnage public et devait se protéger. Il a souvent expliqué que la mode était un jeu et qu'en fait il jouait. Mais moi je pose cette question de l'intellectuel parce qu'il a été global avant le global. Il a été finalement avant tout le monde, il a tout compris ce qu'il fallait faire. Et autant il faisait de la haute couture, mais autant il faisait du prêt-à-porter, donc sa propre marque, également faite en Roumanie, dans les pays de l'Est. Il y a quelque chose de quand même totalement assumé dans le personnage. Anaïs Kien. Et puis il y a quelque chose quand même de frappant, c'est que la majorité des gens n'avaient pas les moyens de s'offrir ses créations, évidemment, mais connaissaient le personnage avec son uniforme, ce costume. D'ailleurs, je me souviens d'avoir vu des caricatures, on ne représentait plus que son costume et plus son visage avec son catogan. Et quelque chose quand même là d'une réussite médiatique incroyable. Audrey Millet. C'est la silhouette est extrêmement peaufinée. Donc là, on a véritablement. En fait, il s'est construit un uniforme, comme on peut parler des uniformes de Calvin Klein, l'uniforme américain, jean t-shirt. Et lui, cet uniforme, c'est le noir, l'école, l'accessoirisation, les cheveux, les lunettes. Et en fait, c'est le jeu d'une. Il y a une certaine prêtrise défroquée. Et puis un dernier mot peut-être sur cette disparition, celle de Karl Lagerfeld. Manuel Charpie, il disait dans le New York Times, c'était il y a quelques temps, il n'y aurait pas de Chanel sans l'histoire de Chanel, mais il y a beaucoup de choses que les gens pensent qu'elles existent depuis les débuts de la maison, alors que c'est moi qui les ai créées. Voilà. Et il y a quelque chose d'extrêmement fort effectivement dans cette idée que toutes les maisons de mode passent leur temps à aller chercher dans leurs propres archives pour dire... On reconnaît l'histoire de l'ancienneté de notre marque, mais d'une certaine façon, évidemment, n'en font pas grand-chose, sinon une véritable recréation, en l'occurrence. Oui, alors, c'est très net. Audrey Mier, tout à l'heure, disait qu'il était dans le présent. C'est évident, et en même temps, je pense qu'il y avait un vrai travail d'histoire sur les archives. C'est la première chose qu'il fait en arrivant, c'est d'aller voir les archives, les échantillons, les dessins, et de remixer tout ça. Donc, il y a presque une espèce de discours sur l'histoire et sur la conscience très forte de réécrire le passé en produisant du présent. Et puis, il s'inscrit aussi dans ces 20 dernières années, l'espèce d'hyper-patrimonialisation des grandes marques de luxe qui se sont refermées, on va dire, sur leurs archives. Et puis on peut quand même noter qu'il avait une... limiter l'accès pour avoir plutôt des historiennes et historiens maison que des gens extérieurs. Oui, puis on peut quand même ajouter qu'il avait sans doute une des plus grandes bibliothèques privées de France. Okay. Un dernier mot, Sophie Curgeon, justement sur ce regard passé. Sur le passé de la mode et en même temps qui sert à créer. Oui, tout à fait. Les archives, comme Manuel le mentionnait, sont très très importantes de manière générale et en particulier chez Chanel avec un vrai dispositif créé pour valoriser ce patrimoine qui doit servir de base de données pour la future création et de manière générale, ces archives sont là pour conserver l'ADN de la maison et la transmettre. Et la transmettre, tout à fait. Voilà, et on ne peut que vous conseiller d'aller voir sur le site de France Culture les pages qui ont été créées hier soir, donc par Camille Bichler, Antoine Lachand et Pierre Repère, autour de la figure de Karl Lagerfeld, avec beaucoup d'extraits d'émissions et d'entretiens qu'il avait donnés à France Culture depuis les années 50, pour certaines d'entre elles, jusqu'aux années 1980. On continue donc avec vous trois et avec Anaïs Quien sur la thématique qui était la nôtre aujourd'hui, donc autour des questions des saisons. C'est le thème de la revue Mode Pratique, troisième numéro de cette revue dont on a déjà parlé à la Fabrique de l'Histoire depuis le début de cette semaine, mais également pour les deux numéros précédents. Manuel Charpie, cette idée vous est venue de consacrer un travail collectif autour des saisons, parce que ces saisons disent quelque chose à la fois de la mode comme vêtement, mais aussi de la mode comme saisonnalité, comme rythmique, qui rythme les saisons de la mode en l'occurrence. Oui, alors c'était le fruit d'une discussion très très collective. Et effectivement, ça s'est un peu fait, de façon organique, mais je pense que ça résonnait déjà avec tout un tas de questions sur, dont on reparlera sans doute, le dérèglement climatique, en fait, qui est quand même la question de l'articulation avec les saisons est évident. Et puis, l'objet saison pose à la fois la question du renouvellement de la mode, donc vraiment du style, de la fréquence, mais aussi clairement de son industrie et du travail qui va avec. Enfin, c'était l'idée de pouvoir traverser toutes ces strates. Depuis le dessin jusqu'à la production, voilà, depuis et dessin, à la distribution. Voilà. Et donc, les saisons avec toute leur profondeur, en fait, sémantique et de production. Anaïs Quien. Alors peut-être pour revenir au début de cette saisonnalité de la mode, vous avez travaillé sur la naissance de l'industrie du prêt-à-porter, parce que évidemment, H&M et Zara n'ont pas toujours existé, loin de là, et leurs ancêtres non plus. Est-ce que cette notion de saison, de segmenter les années, déjà dans la genèse de cette industrialisation des vêtements relativement accessibles, en tout cas de l'industrialisation des vêtements prêts à porter. Oui, alors évidemment la notion de saison dans la mode est beaucoup plus ancienne, hein, on va dire que c'est le début de l'époque moderne au moins. Je pensais plutôt en termes de production, de confection, en tant que industrielle. Non, j'allais pas remonter jusqu'à la Renaissance. Mais en gros, dès la mise en place de la confection industrielle dans les années 1850, il y a une saisonnalité très forte qui se construit. Et en même temps, c'est un peu le paradoxe, c'est que de toute façon, il y avait une production très saisonnière, et donc des saisons hautes et des mortes saisons ou des basses saisons, avec du chômage massif dans ces périodes-là. Mais par exemple, pour les couturiers, les couturières sur commande à la main, en gros, on s'arrêtait de mars à juin. Enfin, on travaillait, pardon, de mars à juin pour l'été. À quelle époque ça c'était ? Là, au milieu du 19e siècle déjà. Et puis, on travaillait ensuite d'octobre à décembre. Et entre chacune de ces hautes saisons, c'était vraiment des temps morts. Et la confection va étrangement à la fois accentuer ça et en même temps essayer de combler les vides. C'est-à-dire, en gros, d'utiliser de la main-d'œuvre moins chère, puisqu'on est en basse saison, en préparant à l'avance, notamment des vêtements pour hommes qui varient très peu d'une saison à l'autre, ou des mantelets, enfin des choses qui sont un peu des uniformes, des choses qui ne se démodent pas vraiment. Voilà, aussi bien des soutanes que des uniformes d'écoliers, des choses qui durent et qu'on peut produire à l'intersaison, notamment donc avec une main-d'œuvre moins chère, une main-d'œuvre plus docile parce qu'elle ne fait pas grève, elle est à la pièce. Et puis avec la raréfaction de la demande, ça permet d'avoir une main-d'œuvre effectivement à rentabiliser et de rentabiliser les installations, les fabriques puis les usines. Vous avez travaillé, Audrey Millier, pour votre thèse justement sur ces fabriques et en particulier sur les dessinateurs de ces fabriques de mode. Vous voyez le même phénomène que celui qui vient d'être décrit à l'instant même par Manuel Charpie, c'est-à-dire un 19e siècle qui en industrialisant la question de la mode, eh bien va changer ces questions de saisonnalité. Oui, le problème c'est l'industrie textile et la manière dont on va produire à partir du XVIIIe siècle, à partir de 1750, cette accélération des échanges, des flux. Vous avez travaillé sur les Indiennes par exemple. Voilà, cette envie en fait et l'envie de tous de s'habiller correctement, moins cher et d'avoir le choix. Alors cette augmentation de la productivité, elle va de pair avec la mise en place de nouveaux modèles économiques réactifs, extrêmement sensibles. Et le but en fait c'est de produire plus, moins cher. Mais la réactivité n'a pas grand chose à voir avec la réactivité qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire on viendra à cela dans les dernières minutes de cette émission, mais on n'est pas encore à cette production quasiment en flux tendu, avec des dessins qui sont mis sur le marché pour être ensuite transformés en vêtements 3 semaines plus tard dans les magasins. Ça n'est pas encore ça, cette réactivité. C'est de l'ordre de quoi, la réactivité au milieu du 18e ou à la fin du 18e ? On est sur de la vraie saison. Voilà, du climat en fait. Voilà, donc on s'habillera moins chaudement l'été, là on y est encore. Et maintenant c'est vrai que lorsqu'on interroge les saisons, donc Lagerfeld disait on est passé de 8 à 3, mais c'est quoi une saison? Est-ce que ça a un rapport avec la chaleur, avec le froid? La saison finalement, ça peut être aussi une création d'événements, mariage, rentrée des classes, vacances, et on en aurait à peu près 24 sur une année. Aujourd'hui, vous voulez dire ? Ah oui, c'est donc très différent, effectivement, de ce qu'on connaissait. Donc 24 saisons sur 12 mois. Voilà, ça fait beaucoup. Anaïs Kien. Je vais rester dans les chiffres. Sophie Kurdjian, il faut peut-être voir aussi de qui on parle, de qui s'habille dans ce qu'on est en train de dire, parce que dans les hautes sphères sociales, on peut changer de vêtements 4-5 fois par jour, parce qu'il y a des robes de matin, des robes de matinée, des robes d'après-midi, des robes de tennis, des robes de théâtre, des robes de campagne. Bref, évidemment, tout le monde ne consomme pas 5 ou 6 tenues par jour. Exactement. Et c'est vrai que pour la classe de l'élite, on change de tenue comme on change de sociabilité, d'événements sociaux, mais ça concerne vraiment une petite partie de la population. Pour le reste, c'est toujours difficile d'évaluer la réception des modes et des rythmes, des modes chez les classes moyennes et populaires, mais on sait que grâce à la presse même populaire comme le Petit Écho de la Mode ou la presse comme la mode pratique ou les modes se diffusent et que ce rythme, cette saisonnalité se retrouve quand même dans les pratiques des classes moyennes. Mais ça, c'est dans à quelle époque ? Parce qu'il faut toujours préciser. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la presse du début du 19e, début 20e siècle et on voit vraiment que la mode se diffuse plus qu'on ne le pense et c'est vrai que c'est très binaire au début. Il fait froid, on porte des habits parce qu'il fait froid et il fait chaud. C'est très binaire et on n'est pas encore à l'époque où les couturiers ont des lignes de sport. Jean Patou, Schiaparelli ne sont pas encore. Mais après, ça va aussi renforcer cette binarité quand les couturiers vont vraiment créer des départements sport, des départements pour les vêtements sport d'été et d'hiver. Là, cette binarité va se renforcer totalement. Manuel Charpie. Puis comme l'indiquait Sophie Kurdjian, c'est aussi un trafic d'informations, en quelque sorte, la mode. En gros, il faut à partir de la fin du 19e siècle, il faut se mettre en place ce modèle en fait qu'on connaît encore en partie, qui est qu'une collection se prépare 2 ans à l'avance, enfin un an et demi à l'avance, qu'on va décider des couleurs, des teintes, des tissus, puis qu'on va produire les tissus, puis qu'on va faire fabriquer les vêtements, puis qu'on va les diffuser, etc. Alors on en reparlera tout à l'heure, c'est un modèle qui est en train de se... d'être bousculé. Oui, dans le dernier numéro de Mode Pratique, vous faites un entretien avec, un bureau de style, les employés d'un bureau de style qui vous disent que ce secteur d'activité-là, c'est-à-dire de conseil et de prescription, est en plein burn-out en ce moment parce qu'il y a trop de saisons. Oui, on a été assez surpris. La saison change en quelques minutes, en quelques jours, parfois en fonction d'une fiction, d'un événement, d'une humeur sociétale. Oui. Et effectivement, elles ont une vision assez apocalyptique, en quelque sorte, de la situation actuelle. Oui, on est plein. Et oui, elles disent que c'est le cas pour tout le monde. Il reste quand même ce qu'on appelle, j'adore l'expression, les paroles de saison. J'ai découvert ça à cette occasion. C'est-à-dire ce moment où on se met d'accord sur les couleurs qui vont être à la mode. Et en fait, on est de l'ordre de la prophétie auto-réalisatrice, puisque du coup les filateurs se mettent à fabriquer ces tissus-là et puis on les retrouvera un an et demi après sur les marchés. Audrey Millet, vous qui avez travaillé justement sur ces fabriques et ces filateurs, qui avez travaillé sur le journal d'un dessinateur pour Indienne, ça a été publié aux éditions Champvallon au mois d'octobre dernier, Vie et destin d'un dessinateur textile d'après le journal d'Henri Lebert entre 1794 et 1862, ce sont ces dates, c'est chez Champvallon, donc vous voyez cela justement, cette idée qu'on dessine pour les deux saisons ensuite, ou est-ce qu'on est encore dans une temporalité qui est plus restreinte avant qu'elle ne s'étire sur deux saisons? En fait, on saisit tout à fait l'accélération. Donc ce dessinateur Henri Lebert, qui est alsacien, se promène dans Paris. On saisit l'accélération par les visites des manufactures, des machines. On arrête le manège, on limite les manèges à chevaux. On va vers la mécanisation, la rapidité. Il y a aussi cette idée de collection. Et tout à l'heure, on parlait de Lagerfeld. En fait, prendre du passé, donc adopter en fait les motifs, les dessins du passé, les couleurs, et les adapter. Au goût du jour, à l'air du temps. Et là, mais comment on décide du goût du jour, mettons au milieu du 19e, ce que vous connaissez bien, ou à la fin du 18e, comment on décide du goût du jour? Qui aujourd'hui, on sait qu'il y a des bureaux de tendance qui passent leur temps à aller dans les rues pour photographier la façon dont les gens se vêtent, ce qu'ils ou comment regarder leur compte Instagram d'ailleurs. Voilà, et comment regarder leur compte Instagram effectivement, ou alors voir comment on agence des vêtements entre eux par exemple, tout cela. Qu'est-ce qu'il y a de semblable ou de différent au 19e? Je crois que c'est une question d'attention. On parlait de la bibliothèque de Lagerfeld, mais en fait, Henri Lebert est violoniste, érudit, il écrit, il va à Versailles, il regarde, il annote, et il collectionne des herbiers, des motifs, des dessins qu'il décolle, qu'il recolle. Et ils sont attentifs au monde. Et à la culture, et aux évolutions culturelles, oui. Et aux transformations, Manuel Charpie. Oui, non, il y a aussi tout un tas de... Audrey Millet connaît ça mieux que moi, mais il y a un peu deux circuits. Il y a le circuit des tisseurs, filateurs, qui vont fabriquer, Thierry Maillet a travaillé sur ça très bien, sur des échantillons, ils vont circuler avec ces échantillons, et là, il y a une vraie diffusion de la mode, et un espèce de marché qui se construit, et puis en parallèle, effectivement, le dessinateur. Et on pourrait aussi ajouter quand même les ouvrières, notamment, les ouvriers aussi, mais... Et par exemple, quand les Galeries Lafayette mettent en place leur première usine de confection, ils décident, et c'est dans les archives, c'est dit dans les archives, de s'installer dans Paris, au cœur de Paris, pour que les ouvrières, en gros, à la pause de midi, puissent saisir les modes, continuer à travailler, et puissent sentir les modes qui se font dans la rue. Donc, cette logique est... C'est déjà une vision, effectivement, comme celle-ci. Puis, vous avez travaillé sur un groupe de presse, en l'occurrence pour votre thèse, Sophie Curgeon, le groupe de presse fondé par Lucien Vogel, qui est aussi le fondateur de la Gazette du Bon Ton, donc cette gazette qui est créée en 1912 et qui, là aussi, transmet les manières d'être, les manières de faire, comment, au bout du compte, on va faire descendre en gamme ce qui est décidé par les maisons de mode parisiennes jusqu'à des populations qui voudront imiter tout cela. Exactement. Et la Gazette du Bon Ton, c'est vraiment la transmission d'un art de vivre, du bon ton, du bon style. Bon, c'est vraiment destiné à toute petite partie de la population, mais Lucien Vogel a cette idée de dissémination, de diffusion vers une plus grande partie de la société. Et on a une petite pépite sur Lina dans l'entre-deux-guerres où Lucien Vogel explique, on lui demande comment naît une tendance, comment ça se diffuse. Il explique très concrètement que l'élite lance quelque chose et qu'en fait, après, ça se répand dans la société parce que les classes populaires veulent imiter ce qu'ils voient. Et qu'ensuite, c'est comme ça que la mode va être portée par une plus grande partie. Donc c'est le modèle de Versailles, mais du Versailles de Louis XIV vers les populations du grand siècle d'or. De ma poule sont à peu près toutes les couleurs. Dans les saisons qui roulent, ils s'amènent à chacun son heure. Ils sortent de l'armoire pour un jour, pour un soir. Les pulls de ma poule sont de toutes les chaleurs. Les pulls de ma poule sont à peu près toutes les couleurs. La laine fait des boules qui vont s'accrocher sur son cœur. Ou des poils très très fins, ou bien carrément rien. Les pulls de ma poule sont de toutes les douceurs. Les pulls de ma poule sont d'à peu près toutes les couleurs. Puis y a ceux qui moulent et ceux qui font dans la pudeur. Et c'est souvent ceux-là qui m'ont rendu le plus fada. Les pulls de ma poule sont de toutes mes ardeurs. Les pulls de ma poule sont d'à peu près toutes les couleurs. Dans l'armoire qui s'écroule, qui dira jamais leur langueur. Ils s'ennuient là pour rien, le plus souvent elle met les miens. Mes pulls sur ma poule sont de toutes les rondeurs. Les pulls de ma poule de Sarclos, dans une discussion autour des saisonnalités de la mode, il y a tout de même des moments où on peut se dire qu'il y a des permanences plutôt que de la saisonnalité. Vous êtes spécialiste, Manuel Charpie, de la question des réemplois de vêtements tout au long du 19e siècle. On peut dire tout de même que ces réemplois de vêtements ne sont pas là pour être changés chaque saison. Il y a donc toute une population qui, pendant très longtemps, ne bénéficie pas justement de cette saisonnalité. Oui, alors avec quand même des aménagements, c'est-à-dire que dès les années 1830-1840, dans la fripe par exemple, on pratique ce qu'on appelle la remise au goût du jour. On réadapte. Voilà, on réadapte, donc on retaille un peu. Ce qu'on fait aussi avec les meubles d'ailleurs. Voilà, ce qu'on fait avec effectivement énormément d'objets. Et donc on rajoute un galon, on reteint grâce aux nouvelles teintures qui vont surtout se développer après 1860. Donc il y a quand même cette idée d'une remise au goût du jour. Et les textes le disent quand même très bien, le provincial qui arrive à Paris, qui n'est pas à la mode du jour, est repéré comme étant un provincial fraîchement arrivé. Enfin voilà, donc les rapports de décalage de temps et le vêtement comme marqueur est quand même là très tôt. Hein. Il y a une question de style dans cette distinction de quelqu'un qui vient d'ailleurs, mais il y a peut-être aussi une manière d'administrer sa garde-robe, c'est-à-dire si l'on ne parle pas de cette aristocratie du 19e siècle qui change de vêtements plusieurs fois par jour, dans les classes moyennes, encore un peu nombreuses à ce moment-là, et dans les classes inférieures, une garde-robe, c'est combien de pièces de vêtements et quel est le rythme auquel on change ces pièces de vêtements ? C'est-à-dire que la saison d'une garde-robe singulière est-elle en corrélation avec le début de cette mise en saison de la confection et du prêt-à-porter? Alors oui et non. Ouais. C'est toujours dur de faire une garde-robe type, mais on va dire que ce qu'on voit dans les inventaires, dans les milieux populaires, c'est une vingtaine de pièces, pas beaucoup plus, avec beaucoup de pièces qui ne varient pas. Donc il y a une série d'invariants, et puis la touche à la mode, on investit dans un ou deux vêtements qui vont être des marqueurs de mode. Le reste étant plus sur un mode fonctionnel, en quelque C'est-à-dire sorte. C'est-à-dire qu'on a trois pantalons et 10 chemises, mais qui vont être les mêmes avec des variations légères de couleurs. Et on voit que pas mal de vêtements peuvent durer une dizaine d'années sans problème. Mais du coup, on n'a aucune prise sur ce genre de public-là, en termes de rythme de production d'incitation à la vente sur de nouvelles collections. Si on invente quelque chose qui s'appelle les soldes quand même, qui sont des sortes de contretemps à l'industrie de la confection et qui vont être un moyen d'écouler les stocks. Elles sont inventées à partir de quand ces soldes ? Ça, on va dire que ça se généralise vraiment à partir des années 1860, hein, vraiment avec les grands magasins populaires comme haut de gamme. Mais qui ponctuent la fin d'une saison malgré tout. Qui ponctuent la fin d'une saison, qui permettent d'éponger les accidents industriels, les méventes, et puis de faire de la place pour la collection d'après. Audrey Millet. Tout à l'heure, on parlait d'adaptation et d'adoption, en fait. Et je crois que là, s'il y a quelque chose qui n'a pas changé depuis au moins le XVIIIe siècle, c'est finalement cette manière de créer. C'est évidemment la vitesse, mais cette adaptation. La création relève finalement de donner un petit bout de passé au consommateur et pour lui donner un petit bout mais de futur, mais qui est un futur présent, puisqu'on sait très bien que la tendance va sauter très très rapidement. Ce qu'on donne au consommateur finalement à partir du 19e siècle, c'est la possibilité d'acheter moins cher et donc d'obtenir un statut social, un nouveau statut social, un goût particulier, de s'adapter à sa conscience culturelle, à une certaine individualité, mais par le prix. Et c'est le prix, avant toute chose, qui va recréer l'envie. Et de fait, lorsqu'on vend des produits moins chers, il faut que cette perte, on la trouve quelque part. Et c'est cette production, ce capitalisme de production qui se modifie à partir de la fin du 19e siècle et encore plus après la Seconde Guerre mondiale, qui devient un capitalisme de séduction. Et comment ça se procède ? On procède à ce jeu de bonneteau, pourrait-on dire, André Millet ? Alors, après la Seconde Guerre mondiale, donc on a quand même l'explosion du marché ado, jeunes adultes, donc des gamins qui vont aussi travailler le week-end, les parents qui vont donner un petit peu d'argent, donc ce fameux blouson noir, ce jean, ce t-shirt, toutes ces choses-là se mettent en place. Évidemment, tout ce qui est publicité avec un S, après Internet, mais la télé. C'est-à-dire « Salut les copains », les sitcoms déjà qui commencent aux États-Unis et qui, par exemple, vont aider à développer la mode afro, notamment. Donc c'est vraiment la réunion de plusieurs moyens, de plusieurs outils. Qui finissent par donc transformer ce milieu de la mode, au bout du compte, parce que ça, il se transforme à la fois par l'extérieur et par l'intérieur, dans une sorte de jeu de séduction vis-à-vis d'un public potentiel, mais aussi en regardant ce public évoluer. Alors oui, et la séduction, c'est l'exaltation. Donc il faut donner, en fait, du plaisir. Tout repose sur le plaisir. Sophie Curdian, sur cette longue évolution sur un siècle entre la fin du 19e sur lequel vous avez travaillé et puis sur ces années 1950-1960 qui sont, après la Seconde Guerre mondiale, des années de bascule. Qu'est-ce que vous voulez ajouter ? Oui, et ces années de bascule, on peut y voir une origine dès la Seconde Guerre mondiale où c'est l'époque du recyclage, en fait, parce qu'on a accès à moins de vêtements et tous les conseils, les patrons, la presse expliquent qu'il faut utiliser ce qu'on a, recycler, réinventer à partir de ce qu'on a, et ça ouvre la voie à une prise de distance avec la couture pour beaucoup de consommateurs. Et cette prise de distance, telle qu'elle était pratiquée, c'est-à-dire avoir des couturières qui travaillaient sur mesure, etc. Alors, et on voit que les années 50-60, c'est le développement et l'essor du prêt-à-porter qui prend ses racines dans cette période de guerre. On peut prendre de la distance avec de la couture, on peut utiliser ce qu'on a, réinventer, et ça va être renforcé. Cette idée va être renforcée par une offre plus grande, la multiplication des boutiques, les jeunes sur le devant de la scène qui vont demander une mode de vie plus adaptés à leurs revendications, à leur corps, leurs identités. Et donc ce mouvement va s'amplifier dans les années 60. Anaïs Kien. Oui, cette question même de la mode de vie est intéressante, je crois. Il y a quelque chose aussi peut-être, hier, lorsqu'on évoquait l'histoire de l'invention du vêtement de ski ou de sport d'hiver, on parlait de sportswear un petit peu rapidement, mais il y a quelque chose du corps en ville même qui change radicalement dans cette après-guerre, puisque porter des vêtements de sport ou qui évoquent le sport ailleurs que sur un lieu de sport, donc sur les lieux de sport hivernaux ou estivaux, ça dit quelque chose aussi de ce qu'il faut montrer de soi, oui, en société et tout simplement dans l'espace public. Oui. Et c'est aussi la mode qu'on appelle seconde peau, le vêtement très collant, où on va plus exhiber son corps, ou pas exhiber, mais du moins dévoiler. C'est cette mode seconde peau aussi qui façonne le corps, qui façonne ce qu'on veut montrer, le reflet qu'on veut montrer. Et à l'époque, c'est une plus grande liberté, une plus grande peut-être mainmise sur, voilà, on est jeune, mais on a des idées, des revendications, et on veut l'exprimer à travers la mode, à travers son style. Et puis la naissance, ne serait-ce que du short, la naissance du t-shirt, où on montre ses bras, change également le corps que l'on montre dans l'espace public. En l'occurrence, on ne montrait pas ses bras auparavant, sauf que si on était un ouvrier, sauf si on était un paysan et qu'on travaillait, donc on était obligé de remonter ses manches. Là, ça n'est plus le cas. C'est donc une autre façon de se montrer, Audrey Millet. Et la peau, en fait, participe à la silhouette et en fait participe aux vêtements. Il n'y a plus aujourd'hui, il n'y a pas de vêtements sans peau, il n'y a pas de peau sans vêtements. Et c'est sans doute aussi parce qu'on finalement on s'éloigne d'une tradition chrétienne et platonicienne. La séduction n'est plus le diable. Voilà, elle est assumée par les hommes, les femmes, les gens. C'est l'ouverture du col de chemise, voilà. C'est le chemisier très décolleté, etc., etc. Et c'est Victoria's Secret, c'est cette lingerie. Donc les sous-vêtements. Voilà, les sous-vêtements que, en fait, on connaît les mannequins. Elles sont à moitié nues tout le temps et ce sont des pop stars comme il y avait Marlène Dietrich, Audrey Byrne ou Jackie Kennedy, en fait. Manuel Charpie, justement, sur cette évolution qui est très marquée, d'après ce qu'on croit entendre avec les deux autres personnes qui sont dans ce débat, qui vient de la Seconde Guerre mondiale, des évolutions, de la mondialisation aussi, et de l'importation de modèles qui ne sont pas des modèles autochtones, mais qui sont des modèles créés aux États-Unis par le cinéma, développés par l'imagerie, pourrait-on dire, de la littérature et du cinéma américain. Oui, il y a peut-être un effet trompeur, puisqu'on parle depuis Paris, et qu'effectivement Paris perd un peu de leadership, notamment sur les nouveaux publics jeunes. Mais moi j'ai le sentiment que c'est la coexistence de ces deux temps, c'est-à-dire le temps de l'industrie, d'une industrie lourde, on va dire, et puis le temps d'une mode très très très éphémère, qui s'adresse notamment aux teenagers, etc., se construit quand même avant, même si le public des teenagers arrive effectivement après-guerre, avec la naissance de tout un tas de circuits courts. À Paris, ça a une traduction très claire, avec le développement très très fort du sentier notamment, qui va inventer le circuit très court. Et c'est à partir de quoi? Des années 20, 30? Oui, 20, enfin, on peut même dire que c'est d'abord un quartier du tissu dès les années 1820, et puis ça devient un quartier de la confection, et qui va se spécialiser dans les... Je ne devrais pas dire ça comme ça, mais dans une forme de copie, enfin on suit la mode du temps au plus près possible, et c'est encore, d'ailleurs ça se voit encore aujourd'hui, une spécialité, c'est-à-dire vous pouvez avoir une robe qui est présentée par exemple à la clôture de Cannes et du festival de Cannes, et 4-5 jours après vous avez une sorte d'évocations, on va dire ça comme ça, qui sont produites déjà, qui sont déjà en production. Et ça commence dans les années 30, même un peu avant. Mais oui, on peut dire que ça... effectivement, après la Première Guerre mondiale, c'est déjà un phénomène très clair, et l'obsession de la copie, de la contrefaçon devient très très présente dans ces années-là. Anaïs Kien. Oui, Audrey Millet, on parlait de cette... De cette tendance jeune dans la mode de l'exposition des corps, et quelque chose de très fort aussi peut-être à la fois dans les photos de mode et dans la manière d'être des jeunes adultes ou des adolescents, qui est de transgresser la saison. Oui. C'est-à-dire de porter des chaussures très épaisses en chaussettes, à chaussettes sur la plage, et des décolletés incroyables aussi en plein hiver. Il y a un jeu comme ça, social, sur l'exposition de soi, au défi de la nature, qui est très présente. Oui, certainement, parce que aujourd'hui on a vraiment des moyens exceptionnels de trouver des vêtements très peu chers, de modifier. Mais il y a, en fait, le vestiaire est un défi actuellement. On parlait de séduction, mais ça relève en fait de la communication. Et une silhouette, c'est pas finalement que du neuf qui sort de chez Zara ou H&M, ou que de la seconde main, du recyclage. C'est aujourd'hui, on peut tout faire. Donc finalement, on peut tellement acheter, on a tellement de possibilités de varier le nombre de nos produits, que tout est possible. tout est absolument possible. Et ce qui rompt vraiment avec ce que vous avez connu pour le 19e ou la fin du 18e siècle, c'est-à-dire effectivement, on n'avait pas la possibilité de se vêtir à pas cher, que progressivement, ce que vous nous racontez, c'est que on a acquis cette possibilité tout au long du 19e, puis au début du 20e, et qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une sorte d'acmé de ce phénomène où tout est disponible, y compris des vêtements quasi pas usés de seconde main que l'on peut acheter au kilo chez des grossistes à Paris ou ailleurs, et donc refaire son vestiaire à l'infini, aussi bien qu'on le veut. C'est cela, Audrey Millet ? Oui, c'est ça. En fait, on a plusieurs vestiaires dans un vestiaire actuellement. On va avoir le vestiaire du soir, vous disiez la robe du soir, enfin le vêtement du soir. Et si on pouvait, si on avait le temps de se changer, c'est possible, on peut le faire, mettre le survêtement. On en a les moyens. Voilà, dans la journée, 5-6 fois différemment. On est plusieurs personnes, mais il y a aussi peut-être que ça relève aussi de finalement de l'individualisme. Lagerfeld créé, mais le consommateur se crée. Aussi aujourd'hui. Il a cette possibilité-là, oui. Anaïs Kia. Oui, Sophie Curdjian, vous avez animé il y a très peu de temps une séance de votre séminaire Histoire de mode sur les questions d'écologie qui, évidemment, nous saute aux yeux à écouter Audrey Millet. C'est-à-dire que cette surproduction, ce surachat, visiblement, la déconsommation semble pointer son nez du côté des achats alimentaires, mais pas encore de la mode. Vous avez sollicité plutôt des chercheurs étrangers sur cette question de l'écologie, oui, et de la mode, puisque c'est encore quelque chose de très nouveau, mais qui devient non, qu'on ne peut plus éviter aujourd'hui lorsqu'on évoque ce champ de l'histoire du vêtement. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une question qu'on ne peut plus éviter lorsqu'on s'intéresse à la mode. Et donc, pour cette séance, on avait invité notamment une conservateur du musée du Victoria et Albert Museum à Londres qui avait fait une grande exposition sur Fashion by Nature qui a terminé fin janvier, où elle évoquait en fait comment cette exposition historique à la base, elle explique à la fois comment elle s'intéresse aussi à la nature comme influence artistique sur la mode. Au début, c'était ça, son point de vue, c'était la nature a toujours inspiré la mode a toujours utilisé la nature. Et en fait, elle s'est aperçue et elle nous a expliqué que son exposition était devenue militante. À la fin, c'était plutôt une exposition à 80% quand même sur les enjeux actuels de l'écologie. Moins consommer et surtout arrêter de brûler les articles non vendus. On a eu beaucoup de scandales comme ça, de marques qui ont jeté à la poubelle, qui ont brûlé ce qu'ils ne pouvaient pas vendre. Donc son exposition était très militante. Donc elle était entre l'histoire et pas le militantisme, en tout cas l'engagement social. Et on a eu aussi une professeure de française, Aurélie Mossé, mais qui a beaucoup travaillé en Europe du Nord, qui a l'ENSAD, et qui nous expliquait tout ce que ces jeunes designers, ces étudiants proposent pour trouver des solutions concrètes vis-à-vis de la consommation, de la diffusion, de la production. Donc c'était intéressant de voir les alternatives, mais toujours à pointer qu'il y a souvent encore en France des problèmes de financement pour mettre tout ça en... Des politiques de responsabilité, oui, à mettre en place écologique. Oui, oui, parce qu'effectivement, une des grandes questions, c'est comment on décélère. On nous a expliqué depuis le début qu'on accélérait, c'est-à-dire qu'on était passé de saisons qui correspondaient aux saisons, le froid, le chaud, à des saisons qui étaient intermédiaires, puis ensuite à la multiplication, maintenant on en est 8, vous disiez 24 tout à l'heure, Audrey Millet. À un moment on se dit on peut pas continuer dans cette course folle où on renouvelle le vestiaire en permanence, où les dernières tendances sont désuètes au bout de 3 semaines ou d'un mois. Il y a un moment où on se pose la question, donc comment on décélère et qui peut organiser cette décélération ? Est-ce que c'est au gouvernement ? Est-ce que c'est à l'ONU ? Est-ce que c'est à... Voilà, Audrey Millet. Comment on décélère ? Je lèverai la main pour que les États s'emparent de la question, tout de même, parce que en Europe occidentale, on va délocaliser plutôt vers l'Est et plutôt vers l'Asie. Et maintenant plutôt, sur l'Éthiopie, voilà, sur l'Afrique de l'Est. Maintenant, on peut s'inquiéter pour l'Afrique. Qui veut décélérer ? Est-ce que le consommateur est prêt à acheter moins de choses ? Est-ce qu'il veut moins de choses ? Est-ce qu'il veut acheter plus cher, mais moins souvent ? Oui, ou est-ce qu'il veut continuer à acheter cher et très souvent ? Le consommateur, normalement, veut toujours un t-shirt à 4,99€, et tant qu'il voudra un t-shirt à 4,99€, on ne pourra pas arranger les choses. Il y a quand même des tendances qui sont peut-être minoritaires, mais du do it yourself, du fait soi-même à la maison, de cette slow fashion conçue, d'ailleurs très singulière parce que conçue sur soi-même, fait soi-même à la maison. Mm-hmm. Alors avec parfois des patrons, des dessins de stylistes qui proposent de pouvoir élaborer un vêtement qu'on adapte à soi, dont on choisit les matières, etc. Mais c'est une tendance encore très minoritaire, mais qui est très présente et qui est très tendance, justement, André Mignon. Il y a des initiatives. Alors ça, on ne peut pas dire le contraire. On connaît même des grandes marques qui vont... si vous regardez le site d'H&M et sa marque Conscious... Donc, vous lisez un petit peu... Qui récupère de vieux vêtements en proposant ensuite des collections faites à partir de ces fibres récupérées. Donc, le champ lexical est intéressant. Il relève de l'éco-responsable. Mais juste à côté, vous avez le terme glamour. Bon. Bio recyclé, respect de l'environnement, d'accord. Le problème est ailleurs. Là, il s'agit de façades de marketing. Lorsque le Rana Plaza, et c'est pas le seul, hein, en 2013... Pakistan. Au Bangladesh. Au Bangladesh, capitale du Bangladesh, tombe, tue 1100 personnes, 2500 rescapés. Ça a été terrible pour mettre un fonds d'aide aux ouvriers en place. Certains qui faisaient leur marque là-bas n'en ont pas donné. L'enjeu environnemental, ces enjeux-là, ce ne sont plus en fait des enjeux environnementaux, ce sont des enjeux sociaux. De toute façon, ce que vous expliquez très bien, Audrey Millet, c'est que la question de la mode, c'est une question d'histoire sociale. Et comme d'ailleurs Manuel Charpie et Sophie Turgeon. C'est absolument indissociable. Et ça fait, dès que se met en place comme une industrie de la mode à haute fréquence, on va dire, donc plutôt dès le 19e siècle, l'idée de séquencer la production aux quatre coins du monde existe, enfin elle devient majoritaire. Le fait d'avoir du coton américain, puis du tissage à Manchester, puis des teintures ailleurs, puis de la confection souvent en plusieurs parties, puis de l'exportation ensuite vers l'Afrique ou je ne sais où, c'est une industrie très mondialisée dès le début, et qui dit mondialisée dit nécessairement pollution, mais parce que c'est lié à la recherche d'une main d'œuvre toujours la moins chère. Enfin, c'est comme ça le modèle qui construit cette industrie. Ça, c'est quand même pas sûr que ça change tout de suite. Alors je suis plein d'espoir du côté des aiguilles à tricoter, mais en face, c'est comme il y a 100 milliards... Je ne parlais pas particulièrement des aiguilles à tricoter, mais c'était minoritaire. En tout cas, il y a quand même un signe de conscience sociale, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est quand même des gens très très actifs, et qui portent un discours politique très... Très fort. Très polémique, mais d'ailleurs. Mais je pense que ça cohabite avec les 100 milliards de pièces de vêtements produits chaque année. Oui, effectivement, quand on s'aperçoit que ça fait 100 milliards par an, ça fait beaucoup. Sophie Curgeon, vous continuerez à évoquer ces questions-là dans votre séminaire de l'IHTP, Histoire de la mode? Oui, je pense qu'en fait, c'est essentiel, parce qu'en fait, les prochains designers, les jeunes étudiants d'aujourd'hui doivent être formés à ça. Donc on doit encourager la recherche sur ces questions-là, pour que les personnes formées aujourd'hui adopte des méthodes beaucoup plus engagées, beaucoup plus conscientes. Donc je pense que c'est essentiel que la recherche participe à ce mouvement. Et vous-même, André Millet? Oui, alors c'est absolument essentiel parce que très bien, on pollue des terres, mais on tue des gens, mais des enfants aussi. On voit autour du faubourg de Dhaka, là, au Bangladesh, des enfants de 3 ans qui meurent de cancer du foie. Ou à un moment, on va même se poser la question du renouvellement de population, des villages qui se dépeuplent. Alors, concrètement, apparemment, il faudrait arrêter les subventions au coton. Puisque le coton, on a un problème de pesticides, Monsanto, et tous ces problèmes de pollution. Les pesticides et d'eau aussi pour traiter la fibre. Voilà, alors tous ces problèmes d'eau, il faudrait donc porter plus de matières synthétiques aussi. Oui, ce qui était effectivement, ce qui va à l'encontre, c'est un peu contre-intuitif par rapport à cette question. Demain, vous continuez et terminez cette série avec votre documentaire, Anaïs Quien, que vous avez conçu avec Marie-Laure Ciboulet autour d'un thème, là aussi, qui fait beaucoup polémique. C'est polémique puisque la fourrure, la vraie fourrure de bête, n'a plus vraiment bonne presse aujourd'hui. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dernièrement, dans les rues, cet hiver, on voit de la fausse fourrure partout. Donc la fourrure synthétique.